La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, c'est le troisième moment de notre série consacrée à l'écrivain fin de siècle, Joris Carl Huysmans, une émission qui vous est proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal et Jean-Guilain Meige. Le double prénom aux consonances hollandaises que s'est choisi Joris Carl Huysmans traduit bien son aspiration vers la culture et les pays du Nord. En particulier pour la peinture, dont il était un grand connaisseur. Critique d'art, critique littéraire, poète et romancier, il est passé d'un genre à l'autre, d'un courant à l'autre aussi, du naturalisme à l'occultisme et au réalisme magique, suivant ainsi le parcours de son âme tourmentée. Il trouvera une sorte de repos dans le monastère où il se retirera vers la fin de sa vie, comme nous l'a raconté lundi Patrice Lockman, auteur d'un portrait de Huysmans publié chez Bartilla. Hier, nous nous sommes penchés sur son ouvrage qui éclipse peut-être les autres selon certains, mais c'est assurément un grand livre, il s'agit d'À rebours, c'est Françoise Court-Pérez qui nous en a parlé. Demain, une émission en deux parties, d'abord la postérité de Huysmans, ce sera avec Pierre Glaude, et ensuite son catholicisme et la question de la conversion avec Patrick Kechichian. Et aujourd'hui, pour parler de ces romans de Huysmans que sont La Cathédrale, L'Oblat, En rade et En route, nous sommes avec vous, Dominique Millet-Gérard. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur à la Sorbonne, vous avez beaucoup écrit sur Paul Claudel ainsi que sur Léon Blois et sur Huysmans. Vous venez d'ailleurs de publier un essai qui s'appelle Le Tigre et le Chat Gris. C'est pas vraiment un essai, hein, c'est un recueil d'articles. Un recueil de mes articles. 20 articles sur Huysmans et sur Blois. Voilà, 20 études sur Léon Blois et Huysmans. C'est aux éditions Classique Garnier. Alors, qui est le tigre, qui est le chat gris? Ah, ça se devine. Le tigre, c'est Blois, qui allait rendre visite à son ami le tigre, exilé comme lui et malheureux comme lui au Jardin des Plantes. Il y a une très belle scène dans La Femme pauvre à ce sujet. Et le chat gris, c'est Huysmans qui lui-même se comparait à un chat et que beaucoup de ses amis comparaient à un chat gris. Il y a même une religieuse qui a dit qu'il était entré dans le catholicisme par les gouttières. Alors vous avez également édité en folio Gallimard le roman de Huysmans En route, c'était en 1996, et en 2017, La Cathédrale. Voilà. J'ai édité En rade aussi chez Lafon. Eh bien j'allais le dire. Non, ah bon, comme il est avant. Et sur un plan personnel, qu'est-ce que vous, au-delà des études que vous faites sur Huysmans, en quoi cet auteur vous parle profondément? Il me parle profondément d'abord parce que c'est un très grand écrivain qui a un style très original et très personnel, et ça me touche beaucoup. C'est même pour moi fondamental, enfin, la question du style est fondamentale. Elle est première? Oui, je crois. Ensuite, parce qu'il a un itinéraire qui me séduit et qui me touche beaucoup. J'ai commencé, comme tout le monde, par lire À rebours. Enfin, dans les années 70, c'était ce qu'on lisait. C'était à peu près tout ce qu'on trouvait, d'ailleurs. C'était la mode de la décadence. Et d'ailleurs, j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne comme chargée de cours sur un programme dans lequel il y avait À rebours. Mais vous étiez en résistance, peut-être, parce qu'à l'époque, la littérature était peut-être un peu plus conceptuelle que À rebours. J'ai toujours été un peu en résistance, oui. Oui. Mais peut être en résistance, c'est pas moi pour qui avait choisi. Lire Huysmans, c'est pour le soutenir dans l'université? Pas aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, il y a un éclectisme bien agréable par rapport à ce terrorisme des années 70. Hein, terrorisme, comme vous y allez. Alors, on va parler avec vous de ce qu'on appelle le cycle d'Urtal, du nom du personnage principal de ce cycle. 4 livres dans lesquels Huysmans met en scène plus que les actions, les ratiocinations et méditations de ce héros écrivain. Pouvez-vous, pour commencer, nous parler un petit peu de Durtal et nous faire une présentation de ce personnage récurrent? Alors d'abord, ce n'est pas un cycle. Ce sont des critiques qui ont appelé ça un cycle, mais Huysmans ne l'a jamais conçu comme tel. Il a écrit les 4 romans les uns après les autres, mais il n'avait pas au départ l'idée d'écrire une saga. Même si le thème peut être commun, et le personnage aussi. C'est le personnage qui évolue, bien sûr, c'est bien le même personnage. Il est entouré de ses amis qui disparaissent d'ailleurs au fur et à mesure que le temps passe. Mais ça me gêne toujours de parler de cycle. Je l'ai utilisé, l'expression, dans la préface, mais avec précaution, enfin, en disant que ce n'est pas comme des séries, c'est pas comme Jean-Christophe, c'est pas comme des grands romans fleuves. Ce sont vraiment des romans qui sont en même temps des romans autonomes et séparés. Alors Durtal, d'abord son nom, un peu bizarre, hein, c'est le nom d'une petite ville qui se trouve dans la Sarthe, je crois. Et Huysmans aimait bien choisir des toponymes pour les noms de ses personnages. Il les cherchait même dans l'indicateur Bertrand. Mm-hmm. Il prenait les noms qui... Bon, ça n'a rien d'original, puisque la plupart des noms français sont en fait des toponymes. Mais là, il les choisissait. Et quelqu'un lui a un jour fait remarquer que la sonorité de Durtal dans les langues germaniques veut dire la vallée. Tal, c'est la vallée. La vallée sévère, la vallée... Et donc, ça lui a tout à fait plu. Il a trouvé que ça allait très bien à son personnage. Alors, Durtal, c'est un écrivain. Ça, c'est important. C'est un écrivain plutôt historien. Et dans chaque livre, on le voit en train de commencer d'écrire quelque chose qui n'aboutit pas toujours. Car c'est un biographe, par exemple, de Gilles de Rais. Voilà, ça c'est dans Là-bas, où il écrit la vie de Gilles de Rais. Et Là-bas est construit de manière très intéressante, puisqu'on assiste à la fois à l'écriture du livre, enfin, avec toutes sortes d'évocations de Gilles de Rais, de son époque, du Moyen-Âge, etc. Et aux aventures de Durtal lui-même. Et il compare son grand roman au petit roman moderne, justement, où tout est petit, tout est rabaissé, tout est mesquin par rapport à la grande époque du Moyen-Âge. Mais alors quand même, Gilles de Rais, c'est pas un sujet qu'on prend comme ça au hasard. Est-ce que Huysmans a voulu dire quelque chose de son personnage Durtal en le faisant écrire une biographie quand même d'un assassin d'enfants et d'un violeur d'enfants? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais il est encore dans sa période décadente, même poussé à son extrémité, hein. C'est sa période, effectivement, la période où il fait des expériences douteuses, enfin, des expériences du côté du démonisme, enfin, du satanisme, messe noire, etc. Donc, bien sûr, il s'en enseigne. Huysmans reste naturaliste jusqu'au bout, c'est-à-dire que positiviste, d'une certaine manière. Il lit la bibliographie qui existe sur le sujet qu'il a choisi, et il le fait pour Gilles de Rais, comme il le fera pour d'autres sujets. Donc il a bien conscience, hein, de se lancer dans un sujet périlleux. Et d'ailleurs, c'est ce qui le fâchera avec Blois. Mmh. Blois ne supporte pas ce livre et le lui dit. Mais qu'est-ce que ça dit du personnage, alors, de Durtal? Alors, pourquoi est-ce que Durtal s'intéresse à ce sujet? Par une sorte de, je dirais, de dégoût, de sa propre époque, d'une époque du juste milieu, d'une époque sans aucune aspérité. Il a besoin de grandeur, que ce soit la grandeur dans le bien ou la grandeur dans le mal, qui est la première qui le sollicite. Alors dans votre recueil Le Tigre et le Chat Gris, vous ouvrez la partie consacrée à Huysmans par son livre En rade. Mm-hmm. Pourquoi ce choix-là? Là, j'ai commencé par En rade parce que j'ai pris l'ordre chronologique. Mmh. En rade est le premier sur lequel j'ai écrit, en fait. J'ai jamais écrit sur un rebours ni sur les romans naturalistes du début de sa carrière. Donc là, j'ai mis les articles, en fait, dans l'ordre, non pas dans lequel je les ai écrits, mais dans l'ordre des romans. Alors, on va commencer, nous aussi. Oui. Alors, En rade, ça n'est pas Durtal. C'est un autre personnage qui s'appelle Jacques Marle. Enfin, tous les personnages de Huysmans sont des points communs. Ce sont des personnages pessimistes, solitaires, qui se cherchent. Ben alors, écoutons un extrait justement de En rade. Cela s'étendait si loin que l'œil dérouté perdait les mesures, accumulait des lieues sur des lieues sans à peu près possible de distance et de temps. Ici, de sédentaires maelstroms se creusaient en d'immobiles spirales qui descendaient en d'incomblables gouffres en léthargie. Là, des nappes indéterminées d'écume, de convulsifs Niagara, d'exterminatrices colonnes d'eau surplombaient des abîmes, aux mugissements endormis, aux bonds paralysés, aux vortex perclus et sourds. Il réfléchissait, se demandant à la suite de quel cataclysme ces ouragans s'étaient congelés, ces cratères s'étaient éteints, à la suite de quelle formidable compression d'ovaires avait été enrayé le mal sacré, l'épilepsie de ce monde, l'hystérie de cette planète, crachant du feu, soufflant des trombes, se cabrant, bouleversé sur son lit de lave. à la suite de quelle irrécusable adjuration, la froide Sélénée était tombée en catalepsie dans cet indissoluble silence qui plane depuis l'éternité sous l'immuable ténèbre d'un incompréhensible ciel. Que retenez-vous, Dominique Millet-Gérard, de ce passage d'Enrade qu'on vient d'entendre ? C'est un passage magnifique, c'est un des trois grands rêves d'Enrade. C'est un passage polémique, puisque c'est une sorte de parodie des rêveries au clair de lune, puisque le personnage Jacques Marle est avec sa femme sur une terrasse d'où il voit le ciel nocturne. Et au lieu de rêver, comme ont fait les romantiques, sur la beauté immense de l'univers, il imagine le paysage lunaire dans toute son horreur, comme ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire un paysage infernal. Le rêve, c'est l'une des grandes nouveautés de ce roman dans l'époque littéraire qui est celle de Huysmans, son traitement qui fait penser évidemment aux théories de l'inconscient qui ne tarderont pas à venir. C'est contemporain, effectivement, il y a une sorte de prémonition, si l'on peut dire, dans le roman. Il y avait un antécédent quand même chez un poète que Huysmans admirait beaucoup, qui était Aloysius Bertrand, un petit romantique qui a inséré des rêves dans ses poèmes. Et Huysmans y fait référence. Alors c'est un roman qui paraît en 1886. On peut dire un petit peu comment ce roman a été conçu au château de Lourps, dans la Brie, non loin de Provins. Il y avait séjourné avec sa compagne Anna Meunier, qui était alors au plus mal. On l'a un peu raconté lundi, mais on peut peut-être creuser un petit peu les conditions de la rédaction de ce livre avec vous, Dominique Millet-Gérard. En fait, oui, c'est enfin, comme je l'ai dit dans la petite préface que j'ai faite à ce livre, c'est un roman clinique, à mon avis. C'est un roman qui transpose justement dans des rêves en particulier, dans des rêveries, dans un paysage, dans la décrépitude du paysage et du lieu où sont les personnages, l'état clinique d'Anna Meunier qui devient celui de Louise dans Enrade. Donc un peu comme à rebours, la question de la médecine, la question de la maladie est très présente. C'est fondamental. J'ai d'ailleurs une étudiante qui a fait une thèse sur Huysmans et la médecine qui devrait paraître chez Champion d'ici un an à peu près. Et elle a trouvé énormément de choses à dire parce que Huysmans s'y intéressait. Il a lu vraiment des traités de médecine. Ouais. Donc pour vous, c'est un roman clinico-spirituel. Vous employez cette expression. Oui, parce que c'est un roman qui se termine sur une aporie, comme Arbour d'ailleurs, et une réflexion sur la souffrance. À mon avis, toute réflexion sur la souffrance implique une part de spiritualité, de quête au plus profond de soi-même. Mmh. Donc un roman qui est peut-être plutôt une longue nouvelle, un quasi-roman, et qui raconte ce couple malade de cœur et d'argent, qui se retire en rade, à la province. Oui, qui espère se retirer à la campagne pour profiter de la campagne. Et là, il y a un persiflage extrêmement sévère contre les beautés de la campagne. Et ça s'adresse à George Sand, qui était une des bêtes noires de Huysmans. En quoi ça s'adresse à George Sand ? C'est un roman anti-sandien ? Oui, c'est ça. Il y a des romans pastoraux chez George Sand, un éloge de la campagne, des paysans. Et là, les paysans sont atroces, le paysage est épouvantable, la vie est abominable. Enfin, il y a du Zola aussi, hein. Il y a une scène de vélage qui rappelle une scène semblable chez Zola. Mais... Donc il y a ce couple de Parisiens qui arrive et qui est confronté à un autre couple, qui est un couple de paysans, oui. Qui sont des cousins lointains. Oui, alors paradoxalement, les Parisiens sont tous les deux complètement déprimés. La femme est malade, le mari en subit le contre-coup, tandis que les paysans sont joviaux, tout se passe très bien pour eux, ils sont voleurs, ils profitent de l'existence. Oui, enfin ils sont présentés quand même sous un jour assez négatif. Ah bah bien sûr, mais justement, le fait de profiter de l'existence et d'être heureux pour Huysmans, c'est extrêmement négatif. Oui. Heureux surtout quand c'est aux dépens des Parisiens qu'il s'agit de voler dès qu'on le peut, en tout cas de tirer le plus possible davantage d'eux. Vous dites que c'est un roman poétique, vous dites même qu'il est assez flaubertien. Il est flaubertien par son ton, justement, cette espèce de pessimisme et de cynisme en fait, qui s'exerce sur des personnages, et il est poétique par ses rêves, ses trois grands rêves. Il y a trois immenses rêves là, dans ce qui occupe vraiment beaucoup de place sur le roman. Il y a un rêve en fait inspiré de Gustave Moreau sur l'histoire d'Esther et Assuérus. Il y a ensuite le rêve du paysage lunaire, là, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. Et puis un rêve très bizarre, une chose complètement hétéroclite sur les tours de Saint-Sulpice, enfin, avec une annonce de ce qui se passera dans là-bas. Mm-hmm. Difficile à déchiffrer, d'ailleurs. Et tout ça, ce sont des exercices d'écriture en même temps, hein. Plein d'images, de métaphores, de figures de style, et énigmatiques. C'est ça qui fait la poésie du texte aussi. En fait. Énigmatiques, y compris pour les personnages. Bien sûr, les personnages eux-mêmes, le personnage essentiel, Jacques Marle, a du mal à comprendre ce qu'il y a derrière ses rêves. D'ailleurs, il ne le dit pas, c'est au lecteur d'essayer de comprendre par des réseaux métaphoriques qui se croisent à l'intérieur du livre. Ce sont des rêves sexuels aussi ? Pardon ? Ce sont des rêves sexuels aussi ? Oui, je pense que c'est essentiellement des rêves sexuels, oui, bien sûr. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Huysmans avec Dominique Millet-Gérard et son livre En rade, qui est un livre complexe, dites-vous, Dominique Millet-Gérard. Vous dites aussi que finalement son intérêt, c'est justement cette complexité. Oui, bien sûr. Ça vous semble évident. Il y a des publics très différents qui ont aimé ce livre, aussi bien Blois, que vous connaissez particulièrement, et puis aussi Breton. C'est justement de cette complexité que naît l'intérêt pour des gens très variés pour ce livre. Oui. Bon, c'est pas le seul cas. Huysmans, Rimbaud a aussi été aimé par des gens extrêmement divers. Claudel d'une part et des surréalistes de l'autre. Mais là, en l'occurrence, si Breton s'est intéressé à ce livre, c'est surtout à cause d'un passage particulier, totalement cynique, où c'est pas vraiment un rêve, c'est plutôt une rêverie. Et Durtal imagine. C'est complètement macabre, hein, ce que l'on pourrait faire à partir des restes des morts, des cadavres. Enfin, il imagine qu'on pourrait en faire des bonbons de toutes sortes, enfin, des produits utilisables et plutôt agréables. Donc, pourquoi pas, en effet. Ce genre de propos a séduit Breton, comme on peut bien l'imaginer, qui a mis ce passage dans son anthologie de l'humour noir. Et tout ça se termine d'ailleurs par une agonie, c'est l'agonie d'un chat. Ah oui, ça c'est un passage difficile à lire, hein, effectivement, puisqu'il y a l'agonie du chat des paysans qui ne s'occupe pas de ce chat, bien entendu, et qui est une sorte de préfiguration de ce qui va arriver à Louise en dehors du roman, sans aucun doute, hein, et en tout cas de la mort d'Anna Meunier. Passage terrible, puisque dès que les Parisiens sont partis, les paysans vont aller chercher le vêtement qui a été laissé là. C'est un jupon, je crois, par les Parisiens pour que le chat soit plus confortable. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller lui enlever lors de son agonie la seule chose un peu douce qu'il ait. Il est certain que Huysmans est dans ma vie. Il est resté dans ma vie. Il est, si vous voulez, un intercesseur. Beaucoup plus qu'un littérateur pour moi. Bien que je l'admire beaucoup comme écrivain. Et que j'ai eu toujours toutes les indulgences pour ce qu'il faut bien appeler les cocasseries de son style. Mais ce n'est pas par la littérature qu'il compte surtout pour moi. Il est, si vous voulez, entré dans ma vie religieuse. Nous avons besoin de témoins et d'intercesseurs. Et si nous sommes écrivains, nous avons besoin d'écrivains comme intercesseurs. Une archive de François Mauriac, et on a ici un écrivain catholique qui raconte son besoin de Huysmans comme d'un trait d'union avec Dieu. Comment comprenez-vous cela, Dominique Millet-Gérard, vous qui travaillez beaucoup sur ces questions de religion chez Huysmans ? Alors d'abord, je me demande si Mauriac n'a pas repris l'idée de l'intercesseur à Massignon. C'est pour ça que j'ai pensé à Massignon tout de suite. Parce vous que dites là, que Mauriac Massignon est un voleur. Ah, vous avez aussi consacré un texte à Massignon, ah, oui, le chrétien d'Orient. Le rapport de Massignon à Huysmans est absolument fascinant. Enfin. Et bon, Huysmans ne se serait pas dit écrivain catholique. Hein. Je crois que l'étiquette ne lui aurait pas plu. Bon, il y a toute une polémique autour de cette notion, naturellement, essentiellement autour de Mauriac, hein, qui se définissait lui-même comme tel, tout en y rechignant. Mmh. Mais je crois que le rapport de l'œuvre au catholicisme n'est pas le même chez Huysmans et chez Mauriac. Mmh. Bon, ceci dit, que Mauriac se réclame de Huysmans, c'est effectivement tout à fait intéressant. Et ça va même plus loin, parce que quand il dit qu'il a besoin d'un intercesseur, ah oui, un intercesseur, c'est justement très mot qui est fondamental, oui. Oui, mais Mauriac était un homme bourré de scrupules, de remords et de comptes à régler, enfin, donc je crois que c'est comme cela. C'est le pêcheur qui l'intéresse chez Huysmans, je pense. Enfin, mais Massignon aussi, d'ailleurs. Hein. C'est une sorte de pêcheur qui n'hésite pas à se présenter comme tel à travers ses personnages. Mmh. Alors l'un des romans évidemment les plus importants dans l'idée du catholicisme de Huysmans, c'est évidemment En route, qui est donc le roman de la conversion. C'est un roman qu'il publie près de 10 ans après En rade, dont on vient de parler. En rade, c'est 1886, et En route, c'est 1895. Il y a plusieurs moutures à ce roman. On peut peut-être raconter la genèse de ce livre, Dominique Millet-Gérard. Oui, alors on ne peut pas parler d'En route sans parler de Là-bas, puisque la première mouture, justement, c'était une réponse à Là-bas, et c'était un livre qui devait s'appeler Là-haut. Mmh. Là-bas était le livre noir, et Là-haut devait être le livre blanc. Et il se trouve que l'année, justement, où il a publié Là-bas, Huysmans s'est allé, en compagnie de l'abbé Boulan, personnage sulfureux s'il en est. Pourquoi ? C'était un prêtre déchu. Il se présentait encore comme un prêtre. Enfin, de toute façon, il l'est resté, évidemment, puisque le sacerdoce ne s'efface pas. Mais il avait été mis à la porte de l'Église à cause d'activités douteuses, à la fois sur le plan politique. Enfin, il faisait partie du groupe des Vintraciens. C'est un groupe non-dorfiste, enfin, qui sévissait dans la région de Lyon. Et puis, plus grave, peut-être encore, il avait une communauté de religieuses qui œuvrait dans une perspective millénariste, avec des problèmes moraux assez manifestes. Enfin, tout cela, vous êtes un assez lourd bilan tout de même. Et Huysmans ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir. Enfin, il a fait confiance à ce personnage qui lui a appris par ailleurs beaucoup de choses et fait de la providence, hein, effet curieux de la providence, qui l'a emmené au sanctuaire de la Salette, sanctuaire qui se trouve entre Grenoble et Gap, et où la Vierge est apparue en 1846, l'année de la naissance de Blois, et dont il avait certainement entendu parler par Blois, puisque c'est un des grands lieux spirituels de Léon Blois. Et donc, dans ce livre blanc, dans ce Là-haut, Huysmans, toujours à travers le personnage de Durtal, hein, en fait, il y a un roman de plus, si on peut dire, dans le cycle, entre guillemets, de Durtal, raconte effectivement comment c'est à la Salette qu'il a été retourné, en fait, qu'il a senti ce qu'on appelle une conversion et qui est toujours quelque chose d'inexprimable et d'inexplicable. Oui. Et puis il a une sorte de pudeur à publier cela tel quel. Il a pensé que c'était trop personnel, c'était trop se révéler. Donc il a réécrit le livre sous la forme d'En route, avec ses deux parties, la partie parisienne et la partie qui se passe dans un monastère cistercien. Et il avait demandé, alors il a gardé son brouillon en quelque sorte, et il avait demandé à ses exécuteurs testamentaires de le détruire. Or, on sait qu'il y avait toujours plusieurs manuscrits d'Huysmans. En fait, il recopiait ses textes plusieurs fois, et manifestement, les exécuteurs testamentaires n'ont pas obéi, enfin en tout cas pas complètement, puisqu'il y a une des moutures qui a été retrouvée. Ce qui est heureux pour nous, j'imagine, et encore bien plus sûr. Pour... Ça, c'est Massignon qui le savait. Massignon le savait parce que Massignon connaissait le dernier confesseur de Huysmans, qui était l'abbé Fontaine, qui est devenu le confesseur de Massignon, et qui a dû lui en parler. Ouais. Et donc Massignon savait que ce texte existait, mais il pensait qu'on ne le retrouverait jamais. Et c'est un collectionneur qui, dans les années 60, hein, M. Artignan, qui a retrouvé le manuscrit chez un bibliophile. Et alors le roman en lui-même, l'abbé Munier l'a qualifié de crise d'âme immortalisée. Oui, tout à fait. Oui. C'est, vous parlez de là-haut ou de En route. D'En route. Mm-hmm. Alors, c'est un roman où il est question de la messe, de la liturgie latine, et au fond de l'église d'hier. Comment peut-on le lire aujourd'hui, Dominique Millet-Gérard, alors que la liturgie, pour ceux qui vont encore à l'église, a bien changé? Pas pour tout le monde, il y a encore des lieux où on a la messe. Assez peu tout de même, la messe en latin. Malheureusement assez peu, mais il y en a quand même encore. Et bon, c'est certain que ça doit exiger un effort, parce que la liturgie a énormément changé, et qu'il faut se replonger dans, le monde d'une liturgie ancienne, beaucoup plus belle. Et d'ailleurs, il faut bien dire que si à l'époque de Huysmans, il y avait eu ce qu'on voit aujourd'hui, il ne se serait certainement pas converti. C'est quand même la beauté des offices qui l'a converti. Donc ça, vous pensez que l'église d'aujourd'hui n'est plus l'église de Huysmans? Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire cela, mais enfin, en tout cas, dans ses apparences extérieures, je serais d'accord sur ce que vous dites. Mmh. Et Huysmans aimait une église qui était une église extrêmement traditionnelle. Je ne crois pas qu'il aurait accepté ce terme, parce que ce terme n'aurait rien voulu dire à l'époque, dans la mesure où il n'y avait pas eu de rupture. On peut parler d'église traditionnelle à partir du moment où il y a eu une rupture et on regarde vers quelque chose d'antérieur. Pour lui, d'ailleurs, il est souvent critique. Hein, dans En route, il est extrêmement critique. Il n'arrive jamais à trouver dans une église tout ce qui l'intéresse, c'est-à-dire à la fois une église qui soit belle architecturalement, donc ancienne, médiévale, pas abîmée par la Révolution, etc., etc., où les chants soient beaux. Très souvent, les maîtrises grégoriennes ne lui conviennent pas. Ou il y a des œuvres d'art, des belles peintures. Alors, le tout complet est une chose quasiment inaccessible. Donc, en fait, il n'idéalise pas. L'église, finalement, qui serait la plus proche de son désir? Mais il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, puisque dans toute la première partie de En route, ce sont des pérégrinations d'église en église. Et ça s'ouvre de manière assez extraordinaire sur l'octave des morts à Saint-Sulpice. Donc à Saint-Sulpice, effectivement, il y a du chant grégorien qui lui convient, mais il n'aime pas l'architecture de Saint-Sulpice, puisqu'il trouve que Saint-Sulpice ressemble à une gare. C'est pas totalement faux, d'ailleurs. Mais c'est pas totalement vrai non plus. Donc, il va se réfugier à Saint-Séverin, qui sans aucun doute est celle qui lui plaît le plus du point de vue de l'architecture, mais là, à Saint-Séverin, il n'y a pas de chant grégorien qui lui convienne, etc. Donc c'est une facile. Sorte d'errance. Non, c'est pas facile. C'est difficile. Il avait beaucoup de problèmes, en effet, Huysmans. Il est assez difficile, il faut bien dire. Alors, c'est un roman qui se fonde, dites-vous, Dominique Millet-Gérard, et c'est très intéressant, sur une impossibilité d'écrire, et vous dites qu'en gros la question ce serait comment on concilie Flaubert et l'écriture par exemple de l'apologiste chrétien Ernest Hello. C'est ça le problème de Huysmans. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ce point de tension qui vous semble particulièrement important? Bien sûr, surtout que ça doit être un petit peu obscur pour le lecteur d'aujourd'hui qui n'a sans doute pas lu beaucoup de Hello. Non, pas mais d'ailleurs le lecteur de l'époque non plus, on n'a jamais beaucoup lu Hello. Détrompez-vous, Hello est assez célèbre à l'époque. Hein. Je crois que Huysmans justement disait comment se fait-il que personne ne le lise. Alors, bon, Huysmans est assez méchant parce qu'en fait il n'aime pas le style de Hello. Mais en fait, Hello était un personnage, c'était un journaliste aussi, hein. C'était pas seulement un essayiste et il avait quand même il était beaucoup plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui, incontestablement. Mm-hmm. Enfin, il est un peu réédité aujourd'hui, on peut en trouver du Hello. Il y a des petites maisons d'édition qui en ont réédité. Dans la mouvance de Blois et d'Huysmans, parce qu'il a été très important, aussi bien pour Barbet que pour Blois et que pour Huysmans. Donc effectivement, dans En route, il y a au début d'En route, alors Durtal est encore en train d'écrire quelque chose, Gilles de Rais est fini, il est en train d'écrire La vie d'une mystique, mm-hmm. Sainte Lindvine de Sridham. Huysmans écrira d'ailleurs cette vie par la suite. Ce qui prouve bien que c'est la même personne, presque. Bien sûr. Donc, comment écrire la vie d'une mystique sans tomber dans le style pieux? C'est-à-dire sans faire du style sulpicien, dont il n'est évidemment pas question pour Huysmans ni pour ses lecteurs. C'est ça le problème, c'est ça. Ben, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Ouais. Et c'est là qu'intervient justement cette comparaison entre Flaubert et Hello. Flaubert a écrit un conte sur Saint-Julien l'Hospitalier, qui est un conte magnifique du point de vue du style, avec toute la couleur, tout le côté dramatique, tout l'effort sur le langage que Huysmans admire. Mais Flaubert est un agnostique et ne croit pas à l'histoire de Saint-Julien l'Hospitalier. Donc c'est une belle fresque, hein, mais il n'y a rien de plus. Mmh. Hello, lui, est un catholique qui se définit comme tel, qui fait de l'apologétique, qui a écrit des physionomies de saints. C'est à ça qu'il fait allusion, hein, qui sont effectivement des sortes de récits hagiographiques, mais dans un style, disons, romantique, tardif, qui se veut poétique, enfin, qui ne convainc plus personne à l'époque où écrit Huysmans. Mm-hmm. Donc, l'idéal, c'est de conjoindre les deux. D'abord, le style de Flaubert et la conviction de Hélo. Eh ben, il faut toujours tout avoir chez Huysmans. C'est comme quand on cherche une bonne église. Est-ce qu'il y est arrivé, alors? À trouver la bonne église, je ne sais pas, mais enfin, en tous les cas, à résoudre ce point de tension. Il a essayé, en tout cas. C'est ce que dit son style. C'est ce que veut prouver son style. Dominique Millet-Gérard, on va poursuivre cette conversation sur Huysmans avec vous dans quelques minutes. Mais pour le moment, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, certes, mais surtout en compagnie d'Alexis Broca du magazine littéraire. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour Dominique. Huysmans, pour vous, ça représente quoi ? Huysmans, ça représente mes premières années de fac de lettres. C'est un passage obligé. À Nanterre, bien sûr. Ça représente aussi, bien sûr, la lecture récente du Soumission de Houellebecq, où Huysmans est érigé à lui seul comme, en quelque sorte, ambassadeur de la culture française. Vous vous souvenez peut-être que le personnage de Houellebecq est un spécialiste des néologismes huysmaniens, que le texte intéresse beaucoup par ailleurs au processus de conversion. Le personnage de Houellebecq cherche d'ailleurs une conversion à la Huysmans et ne la trouve pas. Donc tout ce que vous avez dit aujourd'hui, en fait, prend une résonance particulière à la lecture de lorsqu'on pense à ce roman qui a réactualisé en fait certaines problématiques huysmaniennes. Et vous, sur un plan personnel, est-ce que c'est un auteur qui compte ? Alors, il a compté, je vous avoue que ça fait bien longtemps que j'ai pas lu, je me souviens bien de la personnalité du chanoine d'Ocre, notamment. Il a compté et il représentait effectivement pour moi cette décadence élégante, cette recherche sophistiquée d'une certaine perversité qui irait à l'encontre des canons moraux de l'époque et qui en même temps s'accompagne d'un mouvement vers cette morale de l'époque, cette contradiction de la fin de siècle. Alors aujourd'hui, vous continuez de nous parler du numéro 2 de la nouvelle formule du magazine littéraire avec son gros dossier sur la révolution féministe. Voilà, en effet, fidèle à notre nouvelle ligne éditoriale visant à couvrir l'actualité avec un regard littéraire, eh bien on s'est intéressé à cette révolution qui est née, vous le savez, dans le sillage de l'affaire Weinstein, du mouvement MeToo et de sa conversion française « Balance ton porc ». Parce que cette révolution, on l'a vu avec les débats, notamment avec les débats autour de l'écriture inclusive et aussi à travers la polémique soulevée par la tribune parue dans Le Monde sur la liberté d'importuner, cette révolution, elle passe par les mots, elle passe par la pensée, par la littérature et par la philosophie, et donc c'était un matériau pour nous. Nous avons ainsi un article de la philosophe Elsa Dorlin qui nous donne les premiers éléments d'une sorte de manuel d'autodéfense féministe, où il ne s'agit plus de consacrer de l'énergie à prendre sur soi les agressions du monde masculin, mais il s'agit d'utiliser cette énergie simplement pour répliquer, pour se défendre. C'est un texte qui me rappelle d'ailleurs un petit peu les réflexions de Toni Morrison, parce qu'elle disait qu'il faut out-hurt the hurter, surblesser l'agresseur, quelque chose comme cela. Nous avons un entretien avec Éric Massé qui s'intéresse à la question du patriarcat et notamment à l'éventuel avènement d'une société post-patriarcale qui se cache derrière cette lutte. On a en effet le sentiment que cette lutte contre le patriarcat a, semble-t-il, remplacé la lutte des classes dans la psyché des intellectuels étiqueté subversif. Et enfin, on a un article tout à fait intéressant et le genre d'article qui amène à parler, qui a été écrit par la chercheuse... L'article polémique, vous voulez ? Polémique, voilà. Bon, je vais utiliser ce gros mot, polémique, de la chercheuse Sophie Rabault. Alors, elle s'intéresse aux blancs dans la littérature qui en disent long à ses oreilles et qui cacherait en fait des agressions commises par des personnages littéraires masculins contre des personnages littéraires féminins. Et elle prend l'exemple de Carmen. Les blancs, c'est-à-dire Les blancs, eh bien, ce seraient des passages qui seraient escamotés, dont on ferait l'acpocope, si j'ose dire. Voilà. voilà, et qui se constaterait en fait par les effets qui se voient sur le personnage. Elle s'intéresse notamment à la transformation de Carmen. Mm-hmm. Carmen, cette femme libre et indomptable qui, à un moment de la nouvelle de Mérimée, se soumet totalement à Don José, ouais. Qu'elle espérait pourtant faire tuer. Ouais. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Bah justement, c'est la question que se pose Sophie Rabaud. Qu'a donc fait Don José pour que Carmen se soumette ainsi ? Ça peut être beau. Voilà. Et elle le rapproche, en fait, et le propos est intelligent, elle le rapproche de ce que décrit Virginie Despentes dans King Kong Theory, sur la façon dont les victimes de viol peuvent se soumettre à leur agresseur. Elle a un passage assez provoquant aussi sur Médée. Pourquoi est-ce que Médée, tout à coup, trahit sa famille, assassine son frère pour les beaux yeux de Jason ? Que s'est-il passé ? Pindare est assez vague sur le sujet. Il dit que Vénus est venue de l'Olympe pour apprendre à Jason l'art de se faire aimer. Sophie Rabaud écrit : « J'aimerais bien en savoir un peu plus sur cet art et sur les moyens employés par Vénus. Mm-hmm. » Voilà. On aborde le cas de Célimène aussi. Enfin. Alors, on peut se poser évidemment la question de savoir si, au-delà de remplir les blancs, il faut que la littérature soit analysée comme, je crois, elle souhaite le faire, sous l'angle de la violence qui n'est pas dite, mais de la violence qui est cachée. Pour Sophie Rabaud, il s'agit en effet de faire émerger cette violence cachée dans toute la littérature. En effet, elle appelle même à une action collective des lecteurs et des lectrices. Pour ma part, je suis jamais pour reprocher aux grands hommes et aux grands écrivains les préjugés de leur temps. En revanche, je trouve intéressant que l'on porte un regard contemporain sur les œuvres du passé et qu'on soit capable de mettre en lumière des éléments qui passaient sans faire qu'on ne remarquait pas, voilà, qu'on ne remarquait pas, qui relevait de l'implicite et qu'on souligne ce qu'ils peuvent avoir de difficile ou de contestable pour nous, voilà. Et puis cette littérature, par ailleurs, la littérature contemporaine reflète aujourd'hui cette révolution. Vous avez ce roman de Naomi Alderman qui a été Barack Obama en a beaucoup parlé, en a fait en quelque sorte la promotion, qui raconte clairement, c'est une parabole fantastique, qui raconte clairement un renversement de l'ordre patriarcal au profit des femmes. Et puis vous avez des romans plus anodins, qui sont moins engagés, du moins que je pense à ce texte qui s'appelle Une vie comme les autres, qui vient de paraître chez Buchet-Chastel et qui montre une société new-yorkaise où les gens se sont vraiment dégagés de toutes leurs assignations raciales, sociales, sexuelles, etc. Et où ce qu'il reste de cela, c'est le passé. C'est le passé qui nous détermine plus que nos petites étiquettes. Voilà. Et c'est le rôle que vous vous assignez au nouveau magazine littéraire que de dépasser les étiquettes. Merci beaucoup, Alexis Broca. À très bientôt. À bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Notre invité est Dominique Millet-Gérard de l'université Paris-Sorbonne. Et nous repartons dans cette deuxième partie avec un extrait du roman de Huysmans dont nous parlons, La cathédrale. Cette fois, il est lu cet extrait par Henri Crémieux. Et en traversant la place, il repartait dans ses songeries, repris par la hantise des cathédrales. Se disant devant les flèches de Chartres, dans l'immense famille du gothique, quelle variété ! Aucune église qui se ressemble. Et les tours et les clochers de celles qu'il connaissait s'étendaient devant lui, ainsi que sur ces plans où, sans s'inquiéter des distances, les monuments s'accumulent, se pressent tous sur le même point pour se mieux montrer. C'est vrai, pensait-il, les tours changent avec les basiliques. Examinons celles de Notre-Dame de Paris. Elles sont mastoc et sombres, presque éléphantes. Fondues dans presque toute leur longueur de pénibles baies, elles se hissent avec lenteur et pesamment s'arrêtent. Elles paraissent accablées par le poids des péchés, retenues par le vice de la ville au sol. L'effort de leur ascension se sent, et la tristesse vient à contempler ces masses captives que navre encore la couleur désolée des abat-sons. À Reims, au contraire, Elle s'ouvre du haut en bas en des chats effilés d'aiguilles, en de longues et minces ogives dont le vide se branche d'une énorme arête de poisson ou d'un gigantesque peigne à double dent. Elle s'élance, aérienne, se filigrane, et le ciel entre dans ses rainures, court dans ses meneaux, se glisse dans ses entailles, se joue dans les interminables lancettes en lanière bleue, se concentre, s'irradie dans les petits trèfles creux qui les surmontent. Ses tours sont puissantes et elles sont expansives, énormes et elles sont légères. Autant celles de Paris sont immobiles et muettes, autant celles de Reims parlent et s'animent. Cet extrait de la cathédrale, Dominique Millet-Gérard, c'est un précis d'architecture, c'est presque un manuel d'histoire de l'art. Il y a un peu de tout ça, il y a un peu de tout. C'est un livre qui comporte une bonne part d'érudition, et ça, Huysmans en avait bien conscience. Et à la fin de la rédaction, il était un peu inquiet du résultat. Il estimait que c'était pas vraiment un roman. Effectivement, ça n'est pas vraiment un roman ce qu'il avait écrit, et qu'il aurait fallu le délester peut-être un peu de cette érudition. C'est vrai, hein, l'avant-dernier chapitre en particulier est un peu pesant. Mais oui. Bon. Je ne suis pas le seul à le dire, enfin à le penser, puisque Blois se demandait où peut bien être la place de la pensée dans des livres dont l'unique objet paraît être de nous tenir au courant des lectures de l'auteur. Bon, Blois est méchant. Il est méchant, mais il y a quand même quelque chose. Mais bah, non, il y a une part de vérité, c'est sans aucun doute. Ouais. Alors, évidemment, la narration dans ce livre est presque totalement subvertie par, et on vient de l'entendre je crois, ce qui relève de la description. Oui, c'est un livre descriptif. Et interprétatif d'un bout à l'autre, parce que la description tourne très vite à l'herméneutique, puisque les choses décrites, c'est-à-dire les différents éléments de la cathédrale, extérieur et intérieur, sont toutes des choses symboliques. Donc Huysmans va décrypter le symbolisme, souvent polymorphe d'ailleurs, de tous ces éléments de la cathédrale. Mmh. Enfin, quand on dit qu'il ne se passe rien dans ce roman, c'est aussi un petit peu une erreur, parce qu'il y a une chose qui se passe et qui est fondamentale, qui est l'évolution intérieure du personnage. Mmh. Alors évidemment, ça ne se manifeste pas par des actions très visibles, mais c'est quand même ça le sens du livre. Alors comment évolue-t-il ? Eh bien, Durtal a donc quitté à la fin d'En route ce monastère où il a passé plusieurs mois, et il dit qu'il n'est pas encore assez moine pour quitter Paris, mais il est encore aussi trop écrivain pour entrer dans un monastère. Donc il est entre deux chaises et il ne sait pas quoi faire. Comme Huysmans d'ailleurs sera toujours un petit peu ce sera toujours entre le les cas. Deux. Ce sera toujours le cas, bien sûr. La maison Notre-Dame à Ligugé, ce sera encore ça. C'est être écrivain et à moitié moine en même temps. Mmh. Ce n'est pas si simple. Donc au début de la cathédrale, le prêtre qui s'occupe de lui à Paris, l'abbé Gévresin, qui le connaît bien, qui a compris que sa conversion était une conversion esthétique au départ et qu'on ne pouvait pas aller là contre, décide de l'emmener à Chartres. Enfin, lui impose en quelque sorte d'aller s'installer à Chartres pour découvrir la cathédrale. Il accepte en maugréant et il est évidemment ébloui par cette cathédrale et il est en même temps absolument fasciné par les merveilles du symbolisme architectural de la cathédrale qu'un autre ecclésiastique très savant lui explique. Donc ça va lui donner des idées sur l'art de l'église, ça va développer son admiration pour cet art médiéval, ça va renforcer son désir d'entrer dans un monastère, mais autre question, quel monastère choisir ? Mmh. Les monastères ne sont pas totalement interchangeables. Donc, pendant son séjour à Chartres, il va faire des essais. Il ira à Solesmes, il ne sera pas convaincu, etc. Et à la fin de la cathédrale, justement, il part. Il part il est dans le train. À la fin de ses romans, Durtal est souvent dans le train. Il part ailleurs pour essayer une autre solution. Et justement, le rapport entre la vie et l'œuvre est là est intéressant dans cette circonstance, puisque la cathédrale vaudra à Huysmans d'être mise à la porte de son ministère, régie par les francs-maçons qui trouvent que là, ça va quand même un petit peu trop loin. Donc il est mis à la porte du jour au lendemain, dès l'apparition du roman. Ça l'arrange d'une certaine manière, puisqu'il a l'âge de la retraite. Et il va envisager envisagé d'aller s'installer à côté de Ligugé. Il met tout en œuvre pour aller s'installer. Il fait construire une maison. Il invite des artistes. Son idéal étant de fonder une petite colonie d'artistes, alors de gens bien, de gens qui lui ressemblent, de gens qui ont les mêmes idées que lui sur l'art, et de profiter en même temps de la liturgie du monastère, mais sans aller beaucoup plus loin. Donc le sujet du roman, c'est plus tellement Durtal, le personnage même du roman, ça devient la cathédrale. Oui, c'est ça. C'est l'évolution de Durtal qui est aussi celle de Huysmans. C'est-à-dire, que faire de sa propre vie, en fait? C'est la question, justement, du choix d'un état. Alors, Huysmans, qui n'aimait pas beaucoup Victor Hugo, a dû lire quand même Notre-Dame de Paris. Oui. Parce qu'il y a évidemment quelque tout chose. Tout le monde avait lu Notre-Dame de Paris à l'époque. Et bien sûr, il répond à Victor Hugo. Victor Hugo qui fait de Notre-Dame une sorte de grande allégorie sociale, hein, de la société, du peuple. Enfin, Notre-Dame de Paris, c'est le lieu du peuple qui appartient au peuple et où le peuple s'exprime. Et Durtal, Huysmans, enfin, retourne la chose en faisant de la cathédrale quelque chose, au contraire, d'extrêmement, bon, d'abord de totalement symbolique, hein, de porteur de cette science symbolique du Moyen-Âge. Et il dit bien la science, parce qu'il veut répondre aussi aux positivistes de son époque. Hein. Il veut dire que la science, ce n'est pas l'apanage de la fin du XIXe siècle. Hein. La science, elle existait au Moyen-Âge, même si elle se manifestait d'une toute autre manière. Et puis, c'est montrer que la cathédrale est un lieu intérieur. Un lieu intérieur où chacun trouve ce qu'il cherche. Et on peut y trouver aussi ce qui est un langage. Victor Hugo le disait d'ailleurs un petit peu. Victor Hugo disait que la cathédrale, c'était un livre. Oui, ça c'est un lieu commun hein, qui traîne en fait depuis le Moyen-Âge. Hein, l'idée que justement la nature est un livre et que les œuvres humaines sont aussi des livres qui expliquent l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est pas une invention. Et Hugo le reprend, mais Huysmans va le reprendre d'une manière beaucoup plus serrée et beaucoup plus conforme à la conception médiévale. Si la cathédrale est un livre, elle est avant tout, écrivez-vous, la mère. Vous dites que la Vierge est omniprésente dans ce livre-là, et qu'elle est représentée par le bâtiment. Il se trouve que la cathédrale de Chartres est dédiée à la Vierge, c'est Notre-Dame de Chartres. Ce n'est pas le cas de toutes les cathédrales, il y en a qui portent le nom d'un saint. Beaucoup de cathédrales en France portent le nom de la Vierge, effectivement. Et oui, la cathédrale est une figure féminine, c'est pas parce que le mot cathédrale est féminin en français, enfin, ça a sûrement une... Si c'était dôme, comme en allemand, ce serait pas la même chose, ou duomo, là c'est un mot masculin, donc Huysmans n'aurait pas pu en tirer les conclusions qu'il en tire. C'est certain que la cathédrale est une féminité de substitution, une féminité douce, une féminité comme il n'en a jamais rencontré. Huysmans est un écrivain misogyne, les femmes sont extrêmement maltraitées dans ses romans antérieurs. Et là, on a l'impression qu'il y a au contraire une présence protectrice, hein, une présence familière et en laquelle il a confiance et qui se confond à la fin du livre avec la cathédrale. Donc c'est sa seule manière d'accéder au féminin d'une certaine façon ? C'est un petit peu rétrécir la réalité, puisque le féminin, il le connaissait. Il y a eu Anna Meunier, dont il parle relativement peu dans son œuvre, et pour laquelle il a été dévoué jusqu'au bout. Enfin, il a beaucoup souffert quand elle est morte, et il était très attaché à elle, sans aucun doute. Mais Huysmans, c'est un homme qui a eu du mal avec la gent féminine, sans aucun doute, nous aussi. Donc, et ça, c'était tout à fait inattendu. Enfin, à l'époque de Darbour, on ne pouvait pas imaginer que Huysmans écrirait un roman à la gloire de la Vierge. Et c'est bien cela, ça on le sait par sa correspondance, parce qu'il le dit, il n'a aucune raison de mentir. C'est un roman qui n'a pas été très bien perçu par les catholiques, mais il n'était pas écrit non plus, comme on aurait pu l'imaginer, pour un public spécialement catholique. Alors il y a plusieurs choses. En fait, il a été lu par les catholiques, ainsi que tout ce qu'on a appelé, enfin, le cycle Durtal, mais en laissant de côté là-bas quand même. Hein. Donc, En route, la cathédrale et l'Oblat ont été très lus entre les deux guerres, dans des familles catholiques. Ça m'a été confirmé par des gens plus âgés que moi, qui avaient vu dans la bibliothèque de leurs parents, il y avait cela, dans les familles bourgeoises catholiques, il y avait ces trois romans. Revenons maintenant à l'époque où Huysmans l'a écrit. Effectivement, il le dit lui-même. Hein. Il le dit dans une lettre, il le dit à plusieurs reprises d'ailleurs, que le public qu'il vise, ça n'est pas le public catholique qu'il C'est un public d'esthète toujours. Alors qu'il vise ? Oui, d'érudit. D'une part, oui. Mais surtout, le public, je dirais un peu le grand public, des gens cultivés, certes, et qui se posent des questions, qui n'osent pas adhérer à la religion, qui sont un peu intéressés, mais pas plus que ça. Et il s'agissait de leur montrer, justement, quels sont les trésors de l'art religieux chrétien, et d'essayer, effectivement, de les convertir par là, sans avoir une visée apologétique immédiate, évidemment. compagnie des auteurs sur France Culture, Dominique Millet-Gérard est là pour quelques minutes encore pour nous parler des romans de Huysmans. On peut terminer évidemment par L'Oblat, après La Cathédrale, voilà le roman qui va clore le cycle, alors il ne faut pas dire cycle, le roman de Durtal. Là encore, c'est plus ou moins autobiographique, puisque lui-même, on le sait, aspire à devenir Oblat. Oui, il est devenu, c'est ce moment il y aspire, mais il est devenu Oblat, effectivement. Il a été enterré dans son habit d'Oblat de Saint-Benoît. Ouais. Et effectivement, le roman L'Oblat, alors qu'il n'a pas été réédité, j'espère qu'il le sera un de ces jours. Ah ben il y a les œuvres complètes, vous savez, qui paraissent, dont on parlera demain. Commence. Un jour, il sera au moins dans ses œuvres complètes. Oui. Et donc il transpose l'expérience de Ligugé près de Dijon. Ouais. Et il est essentiellement consacré à la musique religieuse, au chant grégorien. C'est une mine d'informations sur ce sujet. Et puis il se termine mal aussi, puisqu'il évoque justement l'exil des moines. Oui. C'est d'ailleurs comme ça que ça se termine pour lui. Il pensait finir sa vie à côté de Ligugé, et brutalement, les moines ont dû partir, et lui a dû regagner Paris, une fois de plus. Donc vous reprenez le terme d'anti-moderne pour vous demander si c'est le roman le plus anti-moderne. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit au sujet de Huysmans, et vous considérez que non, ça n'est pas, comme on pourrait le croire, le roman le plus anti-moderne. Alors d'abord, pourquoi pourrait-on penser qu'il est anti-moderne, et pourquoi finalement, selon vous, ne l'est-il pas? Bon, c'est pas moi qui ai choisi ce terme, c'était une communication que j'ai faite à un colloque dont le titre était celui-là. Donc je me suis raccrochée à ce titre et j'ai choisi de parler de L'Oblat parce que personne n'en parle en fait. Et bon, être anti-moderne, oui, parler de chant grégorien, parler d'une retraite dans un monastère aujourd'hui, ça peut paraître effectivement... Ah, beaucoup de gens font des retraites, justement. Oui, les gens font des retraites, mais est-ce qu'ils font des retraites, justement, est-ce que c'est dans un sens esthétique? Est-ce qu'ils combinent le sens esthétique et le sens intérieur? Et puis la liturgie est tellement laide aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent chercher, même dans les retraites, enfin, mm-hmm. Bon. C'est ça le problème. Cela vous appartient. Donc, je crois que c'est surtout le thème qui est perçu comme tel, qui peut être perçu comme tel. Mais l'écriture de Huysmans est une écriture moderne. Et elle est toujours une écriture moderne. Elle l'était dès le départ et elle le reste, justement, oui. Jusqu'à la fin de son œuvre. Vous avez même compté 16 fois le mot « moderne » dans le roman L'Oblat. Oui, justement, je me suis interrogée là-dessus. Je me suis demandé si Huysmans lui-même se serait considéré comme un moderne ou un anti-moderne. Je crois pas que le terme existait d'ailleurs à l'époque. Mm-hmm. Je n'ai pas vérifié, mais je crois pas. Qu'il se soit considéré comme un moderne, c'est certain. Il se réclame de Baudelaire, enfin il se réclame du mouvement de la modernité, sans aucun doute. Mais en même temps, il a des goûts qui ne sont pas nécessairement les goûts des modernes, parce que Zola est aussi un moderne. Est-ce que être moderne, c'est être comme Zola? Est-ce que c'est faire du naturalisme et éviter tout ce qui est mystique? Mmh. Évidemment non pour Huysmans. Donc... Et aujourd'hui, vous le trouvez moderne, Huysmans? Ça veut dire moderne aujourd'hui. Je crois que là, justement, peut-être qu'il faut le terme réinventer est particulièrement le terme. Difficile à définir dans le contexte actuel. Maintenant qu'on est post-moderne, enfin, bon, on aura tourné. On n'est plus tellement post-moderne. Non, on n'est même plus post-moderne. On est encore au-delà. Donc, je ne sais même pas ce qu'on est. Mais enfin, et on. Qu'est-ce que ça veut dire on encore? Je suis quelqu'un de très individualiste, vous savez. Donc, mm-hmm. Je n'aime pas tellement les tout les comme mouvements. Huysmans d'ailleurs. Mais oui, mais bien sûr, c'est bien pour ça que je l'aime d'ailleurs. Et je crois que la modernité de l'écriture de Huysmans n'a pas vieilli, en fait. C'est une écriture difficile, c'est une écriture qui requiert une attention profonde de son lecteur, et il fait partie de ces grands écrivains dont on découvre à chaque fois le style. Enfin, plus on le relit, plus on découvre des richesses de style. Merci Dominique Millet-Gérard. Je rappelle que vous avez préfacé et dirigé les éditions de En route et de La Cathédrale, parues chez Gallimard respectivement en 1996 et en 2017. Vous êtes également auteur du Tigre et du Chat Gris, 20 études sur Léon Blois et Joris Karl Huysmans, publié en 2017 chez Classique Garnier. Demain, nous élargirons notre perspective sur Huysmans en évoquant sa postérité. Et puis, nous parlerons de la question religieuse et de la conversion. Ce sera avec Pierre Glaude et Patrick Kechichian. Mais tout de suite sur France Culture, c'est Jacques Bonafé, la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Placé sous la double tutelle de Vadim Kosovoy et de Stéphane Mallarmé, notre semaine de poésie s'ouvre à l'intraduisible, se tape les délires et philosophe ou révèle des pensées obscures comme sorties d'une transe grammaticale et chamanique. Prenez toi et moi et dites-moi vraiment s'ils sont deux dans ce poème. Non, mais à qui parles-tu comme ça? Tu ne sais pas qui je suis? Eh bien, tel, toi raclure, à qui craches-tu au visage? Qui piétines-tu? Les bras que tu tords, c'est à qui? Tu m'entends? Eh, vermine, de qui donc tu te moques? Mais sais-tu, gonflé, qu'un petit doigt me suffit, même le remuer, un mot, rien qu'un mot, pas le dire, mais sans mot, dans le blanc des yeux, avec cette belle rage dont je suis capable, et capable je le suis, tu peux croire, et de toi, pas une tache. Pas une, bien mouillée, toute trace va brûler de honte, vermine. Et lui n'arrête pas, et ça tord, et ça crache, au visage, et les bras, et piétine, se moquant lui, imperturbable, c'est bien fait, et pas un misérable pli, tranquille. Oui, si c'est fait, pour de bon c'est fait, ça se refait, et allez l'effacer, vermine. Facile cette vengeance, jaillit après coup, forte en rage, et n'agite que des rides, sans merci, et n'en sorte que vaguelette, facile. Ça s'amasse, mais autour, calme plat, pas un nuage dans le ciel. Avec bel allant, les navires bon train taillent leur route joliment. Facile, celle-là. Et le poids, lui, de plomb, titanique. Et quant à le soulever, plus jamais. La parole ascendante, dit la postface de Maurice Blanchot. Toujours Mallarmé. Il faudrait s'interroger sur le sens des mardis, cours supérieurs de poésie, dit l'un des participants. Voilà qui ne nous réjouit pas. Mais malgré le charme et l'enchantement, était-ce Mallarmé qui, adossé à la cheminée, se laissait dérouler une parole qu'on ne réussissait pas à reconstituer dans sa merveille une fois rejoint le dehors, peut-être Lacan et son séminaire? Ou bien n'était-ce rien de plus que Mallarmé? Lui qui disait à peu près « Je ne suis pas en rapport avec le monsieur qui porte ce nom ». Ou encore disant combien le mot poète lui était désagréable et affirmant, avant Georges Bataille, avoir en haine le mot poésie. Ajoutant, d'après Fontenas, ce qui n'est pas une garantie, « Il faut rêver un art éternel et cependant d'accroissement continu et d'où l'homme disparaît ». Il n'y a pas un monsieur qui toute sa vie est un poète. On a été poète le jour, à l'heure où le poème lui a donné une existence momentanée, le brisant en même temps qu'il y contribue en rapport avec l'inconnu qu'il exclut ou le disperse. Créer, s'exclure, dit René Char. Auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé, dit Arthur Rimbaud. Reprise du poème « Toi et moi » de Vadim Kosovoy. « Mon souffle furibond et le tien de belle taille, comme qui gifle mes yeux et chez toi un rasoir. Foulerais-tu un lac? Rien n'oscille. Et si moi, c'est à m'éclabousser et secoue et fulmine le gros clapotis qui pour toi se déplisse, transparent est le jour, quoique vide de sens. Ainsi donc transparent, et moi, droit vers l'opaque, à rouler des narines, je fouille, j'interroge, rien de rien, et du point bing-bang, c'est qu'il faut extirper. » Et je vais l'extirper, sa croche dure, la terre, à coups de dents, en grinçant et mordant la poussière, extirper. Jacques Bonafé, merci pour ces lectures de Vadim Kosovoy et Stéphane Mallarmé.